manga, je vous rappellerai le programme pour la suite. On enchaînera sur le spectacle de Pina Wood à 19h30 et le concert de Namaste Rose et des DJ pour toute la soirée. Merci, bon spectacle.